Madabal se ye boom han madabal kick curry han madabal kick curry han madabal kick curry Kerry James boom now. No one about done jamais. On the determine it's a tulse. No one about done jamais. On me à la victoire, pas à l'échec. No one about done jamais. Plus que determine it's a tulse. No one about done jamais. Y'a le madabal qui carry comme combiné toutes les meilleures. Puis mon enfance, je suis en défense, mais je marque des buts, me dépense. Défense les plans de la première France. Plus rien ne me fait vaciller. Mental d'acier, j'ai même dû faire face au canon scié. Yeah, je suis venu en France pour banquer, croquer dans le gâteau sans être invité au banquet. M'introduire sans poker, les choquer. Ce que j'aime voir, c'est les fils d'immigrés devenir plus riches que leurs banquiers. C'est pas le rap de l'UMP, c'est le rap éveillé des banlieues à émanciper. C'est pour les frères qui jouent en équipe solidaire, veulent marquer l'histoire comme mafia qu'un flic légendaire. Mais pour ça, faut insister, persister, résister. Violenter ta chance, on te désiste et t'impose. Et t'opposer, s'exposer au danger, peut l'exploser. Promis à la victoire, faut oser. No one abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. No one abandonne jamais. Promis à la victoire, pas à l'échec. No one abandonne jamais. Plus que déterminé et ça tu le sais. No one abandonne jamais. Y'a le madabal qui carry comme combiné toutes les meilleures l'air. Kerry, J et Admiral J. T, ok, yeah. Tu peux allumer ton briquet. Light again, si t'as perdu, faut te fight again. Qu'ils t'entendent dire I'm back again. J'aime le V de la victoire, pas le V de la GAV, mais le V du point levé pour œuvrer. J'aime le V de la bravoure, et dès que je commence un truc vrai, il me faut le V du travail achevé. Il ne s'agit pas de ne pas tomber, mais de se relever. Ce qu'on fait, on ne le fait pas que pour flamber, mais pour s'élever. C'est le plan A, c'est le plan B. À trop penser au plan B, beaucoup se sont fait plomber. Yeah. On donne la force aux frères qui sommeillent. Tu dois encaisser l'hiver si tu veux voir venir le soleil. On veut vivre nos rêves et nos vies. Et notre histoire en vie est promis à la victoire. No one abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. No one abandonne jamais. On promis à la victoire, pas à l'échec. No one abandonne jamais. Plus que déterminé et ça tu le sais. No one abandonne jamais. Y'a le madabal qui carry comme combiné toutes les meilleures l'air. No one abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. No on abandonne jamais. Promis à la victoire. On ne lâche pas, se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Lâche pas de détermination, de volonté de pas. Si on est traqueur, mais ça ne marche pas. On ne lâche pas, se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Lâche pas de détermination, de volonté de pas. Si on est traqueur, mais ça ne marche pas. No on abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. No on abandonne jamais. On promis à la victoire, pas à l'échec. No on abandonne jamais. Plus que déterminé et ça tu le sais. No on abandonne jamais. Y'a le madabal qui carry comme combiné toutes les meilleures l'air. No on abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. No on abandonne jamais. On promis à la victoire, pas à l'échec. No on abandonne jamais. Plus que déterminé et ça tu le sais. No on abandonne jamais. Y'a le madabal qui carry comme combiné toutes les meilleures l'air.